Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon, après avoir reçu l'hommage de la nation au cours d'une grandiose cérémonie présidée par le général de Gaulle. Malgré le froid, le vent qui balaye la place et qui agite fortement les drapeaux et les voiles tricolores du cénotaphe, une foule considérable, au sein de laquelle bien sûr de nombreux résistants de l'intérieur et de la France libre se sont mêlés, donne un émouvant éclat au transfert des cendres de celui qui fut l'unificateur de la résistance française et tout naturellement le premier président du CNR, le Comité National de la Résistance. D'un podium dressé dans le vent au pied du cénotaphe, André Malraux va prononcer l'hommage de la nation à Jean Moulin, symbole de la lutte secrète contre l'occupant. Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué. Et depuis, sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbe où la légende se mêle à l'organisation. Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a pris depuis son action légendaire, voici comment je l'ai rencontré. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre au maire de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de Corrèze, immobiles du haut en bas de la montagne et attendant en silence, chacune sur la tombe des siens, l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende, sans lequel la résistance n'eût jamais existé, et qui nous réunit aujourd'hui, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. Comment organiser cette fraternité pour en faire un combat? On sait ce que Jean Moulin pensait de la résistance au moment où il partit pour Londres. Il serait fou et criminel de ne pas utiliser, dit-il, en cas d'action alliée sur le continent, ses troupes prêtes aux sacrifices les plus grands. Éparses et anarchiques aujourd'hui, mais pouvant constituer demain une armée cohérente de parachutistes déjà en place, connaissant les lieux, ayant choisi leur adversaire et déterminé leur objectif. C'était bien l'opinion du général de Gaulle. Néanmoins, lorsque le 1er janvier 1942, Jean Moulin fut parachuté en France, la résistance n'était encore qu'un désordre de courage. Une presse clandestine, une source d'information, une conspiration pour rassembler ses troupes qui n'existaient pas encore. Or, ces informations étaient destinées à tel ou tel allié. Ces troupes se lèveraient lorsque les alliés débarqueraient. Certes, les résistants étaient les combattants fidèles aux alliés, mais ils voulaient cesser d'être des Français résistants et devenir la résistance française. C'est pourquoi Jean Moulin est allé à Londres. Pas seulement parce que s'y trouvaient des combattants français qui eussent pu n'être qu'une légion, Pas seulement parce qu'une partie de l'Empire avait rallié la France libre. S'il venait demander au général de Gaulle de l'argent et des armes, il venait aussi lui demander, je cite, « une approbation morale des liaisons fréquentes, rapides et sûres avec lui ». Le général assumait alors le nom du premier jour, le maintien du combat, quel qu'en fût le lieu, quelle qu'en fût la forme. Enfin, le destin de la France. La force des appels de juin tenait moins aux forces immenses qui n'avaient pas encore donné, car il faut que la France soit présente à la victoire, alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. La France, et non telle légion de combattants français. C'était par la France libre que les résistants de Bir Hakeim se conjuguaient, formaient une France combattante restée au combat. Chaque groupe de résistants pouvait se légitimer par l'allié qui l'armait et le soutenait, voire par son seul courage. Le général de Gaulle seul pouvait appeler les mouvements de résistance à l'union entre eux et avec tous les autres combats, car c'était à travers lui seul que la France livrait un seul combat. C'est pourquoi, même lorsque le président Roosevelt croira assister à une rivalité de généraux ou de partis, l'armée d'Afrique, depuis la Provence jusqu'aux Vosges, combattra au nom du gaullisme, comme feront les troupes du Parti communiste. C'est pourquoi Jean Moulin avait emporté, dans le double fond d'une boîte d'allumettes, la microphoto du très simple ordre suivant. Monsieur Moulin a pour mission de réaliser, dans la zone non directement occupée de la métropole, l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Inépuisablement, il montre aux chefs des groupements le danger qu'entraînerait le déchirement de la résistance entre des tuteurs différents. Chaque événement capital, entrée en guerre de la Russie puis des États-Unis, débarquement en Afrique du Nord, renforce sa position. À partir du débarquement, il devient évident que la France va redevenir un théâtre d'opération. Mais la presse clandestine, les renseignements, même enrichis par l'action du noyautage des administrations publiques, sont à l'échelle de l'occupation, non de la guerre. Si la résistance sait qu'elle ne délivrera pas la France sans les alliés, elle n'ignore plus l'aide militaire que son unité pourrait leur apporter. Elle a peu à peu appris que s'il est relativement facile de faire sauter un pont, il n'est pas moins facile de le réparer. Alors que s'il est facile à la résistance de faire sauter 200 ponts, il est difficile aux Allemands de les réparer à la fois. En un mot, elle sait qu'une aide efficace aux armées de débarquement est inséparable d'un plan d'ensemble. Il faut que sur toutes les routes, sur toutes les voies ferrées de France, les combattants clandestins désorganisent méthodiquement la concentration des divisions cuirassées allemandes. Et un tel plan d'ensemble ne peut être conçu et exécuté que par l'unité de la résistance. C'est à quoi Jean Moulin s'emploie jour après jour, peine après peine, un mouvement de résistant après l'autre. Et maintenant, essayons de calmer les colères d'en face. Il y a inévitablement les problèmes de personnes et bien davantage la misère de la France combattante. L'exaspérante certitude pour chaque maquis ou chaque groupe franc d'être spolié au bénéfice d'un autre maquis ou d'un autre groupe qu'indignent au même moment les mêmes illusions. Qui donc sait encore ce qu'il fallut d'acharnement pour parler le même langage à des instituteurs radicaux ou réactionnaires, des officiers réactionnaires ou libéraux, des trotskistes ou communistes autour de Moscou, tous promis à la même délivrance ou à la même prison. Ce qu'il fallut de rigueur un ami de la République espagnole, un ancien préfet radical chassé par Vichy, pour exiger d'accueillir dans le combat commun tel rescapé de la cagoule. Jean Moulin n'a nul besoin d'une gloire usurpée. Ce n'est pas lui qui a créé combat, libération, franc-tireur, c'est Freinet, Dastier, Jean-Pierre Lévy. Ce n'est pas lui qui a créé les nombreux mouvements de la zone nord, dont l'histoire recueillera tous les noms. Ce n'est pas lui qui a fait les régiments, mais c'est lui qui a fait l'armée. Il a été le Carnot de la résistance. Attribuer peu d'importance aux opinions dites politiques lorsque la nation est en péril de mort. La nation, non pas un nationalisme alors écrasé sous les chars hitlériens, mais la donnée invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle. Penser qu'elle dominerait bientôt les doctrines totalitaires dont retentissait l'Europe, voir dans l'unité de la résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation, c'était peut-être affirmer ce qu'on a depuis appelé le gaullisme, c'était certainement proclamer la survie de la France. En février, ce laïc passionné avait rétabli sa liaison par radio avec Londres dans le grenier d'un presbytère. En avril, le service d'information et de propagande, puis le comité général d'études étaient formés. En septembre, le NAP. Enfin, le général de Gaulle décidait la création d'un comité de coordination que présiderait Jean Moulin, assisté du chef de l'armée secrète unifiée. La préhistoire avait pris fin. Coordonnateur de la résistance en zone sud, Jean Moulin en devenait le chef. En janvier 1943, le comité directeur des mouvements unis de la résistance était créé sous sa présidence. En février, il repartait pour Londres avec le général de Lestrin, chef de l'armée secrète, et Jacques d'Alsace. De ce séjour, le témoignage le plus émouvant a été donné par le colonel Passy. Je revois Moulin, blême, saisi par l'émotion qui nous étreignait tous, se tenant à quelques pas devant le général et celui-ci disant presque à voix basse « Mettez-vous au garde à vous ». Puis, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire. Et pendant que de Gaulle lui donnait l'accolade, une larme lourde de reconnaissance, de fierté et de farouche volonté coulait doucement le long de la joue pâle de notre camarade Moulin. Comme il avait la tête levée, nous pouvions voir encore au travers de sa gorge les traces du coup de rasoir qu'il s'était donné en 1940 pour éviter de céder sous les tortures de l'ennemi. Les tortures de l'ennemi. En mars, chargé de constituer et de présider le Conseil national de la résistance, Jean Moulin monte dans l'avion qui va le parachuter au nord de Rouen. Ce Conseil national qui groupe les mouvements, les partis et les syndicats de toute la France, c'est l'unité précairement conquise, mais aussi la certitude qu'au jour du débarquement, l'armée haillon de la résistance attendra les divisions blindées de la libération. Jean Moulin retrouve les membres qu'il rassemblera si difficilement. Il retrouve aussi une résistance tragiquement transformée. Celle-là, elle avait combattu comme une armée en face de la victoire, de la mort ou de la captivité. Elle commence à découvrir l'univers concentrationnaire, la certitude de la torture. Désormais, elle va combattre en face de l'enfer. Ayant reçu un rapport sur les camps de concentration, il dit « J'espère qu'ils nous fusilleront avant. » Il ne devait pas avoir besoin de le fusiller. La résistance grandit, les réfractaires du travail obligatoire vont bientôt remplir les maquis. La Gestapo grandit aussi, la milice est partout. C'est le temps où, dans la campagne, nous interrogeons les aboiements des chiens au fond de la nuit. Le temps où les parachutes multicolores chargés d'armes et de cigarettes tombent du ciel dans la lueur des feux des clairières ou des causes. C'est le temps des caves et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants. La grande lutte des ténèbres a commencé. Le 27 mai a lieu à Paris, rue du Four, la première réunion du CNR. Jean Moulin rappelle les buts de la France libre. Faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines, travailler avec les alliés à l'établissement d'une collaboration internationale. Puis il donne lecture d'un message du général de Gaulle qui fixe pour premier but au premier conseil de la résistance le maintien de l'unité de cette résistance qu'il représente, au péril quotidien de la vie de chacun de ses membres. Le 9 juin, le général de Lestrin, chef de l'armée secrète enfin unifiée, est pris à Paris. Aucun successeur ne s'impose. Ce qui est fréquent dans la clandestinité, Jean Moulin aura dit maintes fois avant l'arrivée de Sérolles, si j'étais pris, je n'aurais pas même le temps de mettre un adjoint au courant. Il veut donc désigner ce successeur avec l'accord des mouvements, notamment de ceux de la zone sud. Il rencontrera leurs délégués le 21 à Caluire. Ils l'y attendent, en effet, la Gestapo aussi. La trahison joue son rôle et le destin, qui veut qu'aux trois quarts d'heure de retard de Jean Moulin, presque toujours ponctuel, corresponde à un long retard de la police allemande. Assez vite, celle-ci apprend qu'elle tient le chef de la résistance. En vain. Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elle porte le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Comme